Séquence numéro 3, Zurich. L'enregistrement a été réalisé un mardi à 16h30 dans une petite place située dans la zone piétonne du centre-ville, derrière le Niederdorf. On entend tout du long une fontaine en continu sur une rumeur sourde, avec quelques voix très faibles. Quelques sons privés sont audibles depuis l'espace public, une porte qui se ferme, peut-être un clocher très vague, des voix de femmes, puis des pas dans un escalier, le tout peu distinct. La séquence s'achève sur quelques bruits sourds. Cette fois, pour les Zurichois, l'instabilité du fond sonore continue et la faiblesse qui s'en détache induisent deux types d'appréciations qui sont complètement opposées. D'un côté, ils y voient un lieu vivant de tranquillité, de sérénité, de tradition, dans une ville autrement agitée. De l'autre, ils y voient un lieu mort, qui est le témoin kafkaïen, dit l'un d'entre eux, de l'enfermement, de la bureaucratie et de la routine quotidienne. Quant aux auditeurs non-zurichois, ils sont très démunis. Chacun cherche désespérément des indices sonores un peu plus émergents à interpréter et s'accroche à une porte, à des voix, à des pas sur du bois à la fin de la séquence. Et le silence écouté devient rapidement le signe d'un espace vide, d'une sorte de décor de théâtre, voire d'un espace qui est complètement mort. Je cite « C'est un peu ennuyeux, il n'y a rien, c'est un espace mort. » Les bruits de porte, ça fait rangement, mais discret, c'est déjà fini. La seule chose qu'on entende, c'est quelqu'un qui s'en va. Et quelqu'un d'autre qui conclut, il n'y a plus personne, quoi. Allant plus loin dans l'interprétation, certains auditeurs attribuent alors à la fontaine un rôle majeur dans ce processus. Au lieu d'envelopper, de marquer le climat sonore de la place, il trouve qu'elle masque les rares émissions qui permettraient de la signer, c'est-à-dire celles qui permettraient de lui donner une signification. Il trouve qu'elle est de l'ordre de la mise en scène usurpée et qu'elle remplit finalement le rôle inverse de ce que l'on attend d'elle, d'où ce commentaire final qui synthétise de nombreuses remarques allant dans le même sens. La fontaine isole, elle rend le lieu solitaire et l'on n'a pas envie d'y aller, c'est plutôt vide. Elle est plutôt révélatrice d'une absence ou d'un lieu inhabité qui, bientôt, n'a plus que les pierres ou ici le bois à faire sonner.